À l'occasion du 71e anniversaire de la fondation du Parti Travail de Corée, les rassemblements, entretiens, expositions de photos et de livres et séances de lecture ont eu lieu en Russie, en Norvège, en Suède, en Angola et au Mali. Dans les salons étaient exposées les photos des activités révolutionnaires du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un, les œuvres classiques des grands hommes d'Ektusan, les livres et photos présentant la lutte des militaires et civils coréens qui se sont engagés dans la campagne générale pour la victoire finale. Aux cérémonies, on prit part les personnalités de différents milieux et les habitants des pays hôtes. Aux cérémonies tenues en Norvège et en Suède, on a adopté les messages de félicitations à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.